à tous et bonjour à toutes. C'est samedi et il est temps de se payer une petite tranche de disco et de funk. Pour la découverte du jour, direction le Suriname avec Sea Watson. Il débute sa carrière en 1975 en remportant un concours musical. Les 10 années suivantes, il part vivre aux Pays-Bas, il va sortir quelques singles et surtout 4 albums. Il va se consacrer par la suite à la composition pour d'autres groupes. Alors le morceau que je vous ai sélectionné aujourd'hui, c'est I Was Born to Boogie, sorti en 1981. Place à l'écoute. Le temps des 100 hits et non pas celui des cathédrales. Alors, aujourd'hui, une bombe, The Buckethead. Comme chacun le sait, Chicago est le berceau de la house. C'est aussi le nom du groupe samplé dans ce hit, diffusé dans les clubs, les radios et les chaînes de clips en 1995. The Bomb est un des tubes les plus marquants de la décennie. Kenny Gonzalez s'amuse avec différentes boucles de Street Player du groupe Chicago, sorti en 1979. Il reprend une phrase du premier couplet et en fait le refrain de son morceau. La phrase originale est bien sûr modifiée en « This sound fall into my mind ». The Bomb, ça n'a rien d'exceptionnel. C'est un groove qui tourne en boucle, alternant avec des interludes de percussion et de cuivre, le tout sur un beat disco house commun. Mais alors, sa fraîcheur et sa vitalité en font un hit imparable sur un dance floor. Alors, le clip vidéo aussi, il a participé au succès. On y voit un clubbeur noir à la coupe afro et en costume d'époque, accompagné de deux jolies filles. Kenny Gonzalez est un spécialiste de remix, El Disco y occupe une part importante. Alors, faut noter qu'il a revisité Donna Summer, Michael Jackson, Chic, etc., etc., j'en passe, et des meilleurs. Aujourd'hui encore, on peut dire que The Bomb n'a pas pris une ride. C'est parti! Jet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Alors, je me souviens à l'époque, quand le titre était diffusé au dernier sou, Solitaire Scum, l'intro durait plus de 3 minutes. Et ben, avant que ça commence, vous étiez déjà plein d'entrain. Bon, passons à la suite. Pour la phase B du jour, on va s'attaquer à Diana Ross. Tout le monde connaît I'm Coming Out, sorti en 1980. Alors ce morceau, c'est devenu un des hymnes gays, bien sûr. De plus, Nile Rodgers a participé à la composition et il ne va pas se gêner pour la reprendre à chacun de ses concerts ou de ses tournées avec Chic. Mais alors la phase B ? Eh bien, le titre, il s'appelle Give Up. Il figure sur l'album Diana et c'est d'ailleurs le dernier titre. Give up ne signifie-t-il pas ne pas abandonner? Un indice peut-être pour sa place. Je vous laisse juger tout de suite. N'abandonnez pas, n'abandonnez pas. D'ailleurs, je ne vais pas vous abandonner parce que là, c'est le moment du maxi. Allez, un petit imagination de Derrière les fagots. Instinctual, sorti en 1988, n'est extrait d'aucun album. Alors, il a connu un succès mitigé, même s'il s'est classé numéro 1 du top dance pendant une semaine en Angleterre. Alors, sur le classement classique, il a occupé une modeste 62e place. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, la gloire du groupe est passée et il vivote durant la fin de la décennie, des années 80 bien sûr. Bon, alors moi, à l'écoute, il m'a bien plu, donc j'ai décidé de vous le passer. C'est parti. Give me the music. Give me the music. Fadjet, d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. On fait très dans la house techno aujourd'hui, je trouve. Bon, ça peut arriver. Alors, on arrive doucement à la pépite du jour. Un groupe, Delegation, et une chanson, Someone How to Write a Song, extrait de l'album The Promise of Love, paru en 1977. Alors, il s'agit de leur premier album où apparaît une de leurs chansons les plus connues, Ho Honey. C'est ce morceau qui les fera exploser aux yeux du monde. Alors, l'année suivante apparaîtra Haute Vie avec les tubes Darling, Heritage Number 9, You and I, et Put a Little Love on Me. Mais ça, c'est une autre histoire que j'aurai le plaisir de vous raconter lors d'un numéro spécial. Alors, c'était en 1977 et ça donnait ça. Someone ought to put you down in black and white. I know a good Alors, toutes les bonnes choses ont une fin et j'étais ravi de vous présenter ce numéro. Je vous dis bonne soirée, bonne semaine et rendez-vous même heure, même endroit, samedi prochain. Bye bye.